Le vif de l'histoire, Jean Lebrun, vous êtes penché sur les résultats de la présidentielle. La moitié des communes de France ont donné la majorité à Marine Le Pen et parmi elles, une plus forte proportion encore des communes rurales. Alors ça vous a donné envie de relire George Sand, elle qui pendant un demi-siècle a attendu la République au village. Le peu de temps qu'elle l'a vu installer, eh bien ça l'a déçue, mais il y a un mais. Oui, parce qu'elle a entendu, elle aussi, les mêmes clichés qu'aujourd'hui. Bloc élitaire, bloc populaire, Paris-Province, ville contre la campagne. Mais elle parlait de l'expérience française qu'elle avait sans naïveté. Dans son Berry, elle avait vu comment, en juin 1848, la République, en effet, avait vu se dresser contre elle les paysans, mais en même temps qu'elle savait ce qui se murmurait sur son compte, la paysanne émancipée, elle était née dans une région qu'elle ne cessait de parcourir, elle pensait que la fraternité y était possible. Alors, je ne parle pas de vous, Jacqueline, qui vivait dans le Cotentin, mais aujourd'hui, la majorité des citadins ne savent pas nommer une dizaine d'arbres, ils distinguent mal le chant d'un oiseau d'un autre. George Sand, elle avait partagé son enfance et son adolescence avec ses voisins. Elle racontait les vrais banquets qu'avec ses camarades de jeu, elle faisait en compagnie d'une jatte de lait et de quelques fruits posés au bord d'une rivière. Plus tard, elle était devenue propriétaire, mais s'entendait assez bien avec ses fermiers, veillant à ne jamais leur faire perdre la face. Et eux l'appréciaient. Le Berry était, sauf exception, une région socialement calme. Oui, mais dans ses romans dits champêtres, hein, de François le Champy à la Petite Fadette, ils décrivent un paysage de fiction. Oui, ce que nous nommons après elle la Vallée Noire. Mais c'est une fiction documentée par ses souvenirs de jeunesse, donc, et aussi une attention d'ethnographe à la grandeur des choses qui, à la campagne, durent longtemps. Le lecteur des villes qui n'y entend rien croit lire des pastorales, mais qui sait observer de près des celles de l'indéchiffrable. Le paysan, dans l'œuvre de Sand, n'entre pas n'importe comment dans une maison, n'en sort pas sans façon, ne surgit pas inopinément par derrière. Chacun possède une capacité particulière qui est son secret. La campagne, d'ailleurs, bruisse de secrets. Dans la Mare au Diable, le lieu du même nom, dans la Petite Fadette, vous savez, le guet que les feux follets éclairent ou rendent dangereux selon les circonstances. Et dans ses livres, George Sand considère tout ce trésor de savoir oral avec le plus grand respect, le plus grand sérieux, et si les citadins ne sont plus du tout prêts à y croire, eh bien, elle préfère le dissimuler plutôt que de l'exposer à la moquerie. Alors, y a-t-il à l'époque, au milieu du 19e siècle, en France, un auteur qui traite le monde rural avec autant de respect? Lamartine le respectait, Balzac en savait beaucoup, mais il décrivait ses paysans à charge, filou, avare, sans de les idéalise pas, mais jamais ne l'affleure la suffisance dont dégorgent les commentaires d'aujourd'hui. Vous savez tous, des archaïques, des nostalgiques, ils nous coûtent cher, il leur faut des routes, des services publics. Et en plus, ils votent mal. Un sort a-t-il été jeté à la France? À l'occasion de chaque élection, elle se transforme facilement en une cascade de mépris. Alors ce sort, Jean, est-il celui de la France? George Sand espérait en une république au village, elle en a vécu l'échec et le passage à un régime autoritaire. Oui, mais Michel Perrault, qui a si bien parlé de Nohant, écrit « Ni l'indifférence indolente des villageois, ni les écarts sociaux, ni la conjoncture politique, ni même la guerre en 1870, rien n'a jamais anéanti l'énergie de la créatrice de la Vallée Noire qu'elle voulait fraternelle. D'ailleurs, le régime qu'elle appelait de ses voeux, il a fini par advenir un moment avec les progrès de l'enseignement, l'implantation des institutions républicaines, l'élection au suffrage universel des maires dans les villages, la création dans chaque arrondissement d'une presse contradictoire. On laisse maintenant se défaire ce maillage des communes, mais n'oublions pas que si George Sand est morte en 1876, à un moment où la République était aussi dans l'incertitude, c'est au printemps qu'elle a disparu, une saison à laquelle elle appliquait tous ses soins d'observatrice, les jacinthes sauvages et les orchidées dans les prairies, les sentiers qui se couvraient d'aubépines. Ô nature, ô ma mère, ô ma sœur, aide-moi à vivre. La nature, c'est la seule de ses passions qui ne l'a jamais quittée. Merci Jean pour cette plongée dans la nature et en poésie. France Inter.